Simona Simona. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Pascal vient de dire à propos de manque de coordination et de la nécessité de coordination, mais aussi entre conseil scientifique et conseil d'administration. Et dans le cas de l'ex-fondation, le problème était flagrant. C'est-à-dire que nous, finalement, on n'est pas des techniciens de la comptabilité. Et notre argument à propos des fondations doit se nourrir aussi essentiellement d'arguments aussi scientifiques. La communication, le manque total de communication entre nous, je pense, est un vrai problème. Mais je regrette un peu de toute manière que... Pardon ? Oui, il y a les comptes rendus, mais qui ne sont pas largement insuffisants, me semble-t-il. Non, tu n'as pas le temps, entre les deux, d'en prendre vraiment connaissance des comptes rendus. Ouais. Mais je regrette un peu qu'on soit arrivé à juste un quart d'heure avant la fin pour parler des compétences élargies, parce que je pense que là, c'est le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Et je pense que... Je me trouve dans une drôle de situation de revivre un peu des choses qu'on a vécues à propos de master, c'est-à-dire du fait que finalement le master, on ne peut pas refuser, on peut résister au master, mais de toute manière, essayons de faire comme si le master n'existe pas, votons le master et espérons que rien ne change. Alors, non, on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire on ne peut pas essayer, voter... s'abstenir, donc voter contre, en espérant qu'on ne sera pas trop nombreux, parce que sinon, ça passe vraiment comme contre, et donc notre sentiment d'affaiblissement de l'institution, etc., etc. Donc, il faut, j'imagine, je crois, prendre une position nette, ou bien voter, s'abstenir et voter contre, ou bien, si on considère qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas le faire, donc on suit dans ce cas le message explicite de la présidence, c'est-à-dire le fait qu'une abstention ou bien un vote contre, c'est-à-dire ce qui revient au même, est quelque chose qui va nuire directement à l'institution, ou bien dans ce cas, alors on ne vote pas, on ne s'abstient pas, on est clair, on vote pour... en écrivant un document et en signant un document dans lequel on explicite la condition paradoxale dans laquelle nous nous trouvons, et donc en explicitant le fait que le vote pour est un vote dans une condition de non-choix. Ou alors, on vote, et là je m'aligne à la position d'Alessandro Steil, on vote carrément et on assume nos propres responsabilités. La responsabilité, donc, d'avoir fait quelque chose qui, qu'on nous dit, va éventuellement nuire à l'institution dans la mesure où il y aura des rétorsions de la part du ministère. Mais on assume notre responsabilité.